Oui, sans doute. Ce... Ah, comment dire ? Ah, ben, ce que je viens de dire. Oui, sans doute. Étrange. Si ce n'était... Sur le point de remettre le revolver dans le sac, elle arrête son geste. Si ce n'était... Elle le dépose devant elle. Que tout semble étrange. Très étrange. Jamais rien qui change. Et de plus en plus étrange. Là de ton trou, mon lapin. Eh bien, je comprends ça. Ton paille. Oui, ah, tu n'es plus le rampeur d'autrefois, pauvre chéri. Non, plus le rampeur qui conquit mon cœur. Encore un pied 6 pouces, Willy, et tu es rendu. Ah. Oh, torticolis à force de t'admirer. Oh, mais ça vaut le coup. Ça vaut 1000 fois le coup. Tu sais le rêve que je fais quelquefois ? Le rêve que je fais quelquefois, Willy ? Que tu viendras vivre de ce côté, que je puisse te voir. J'en serai transformée, méconnaissable. Ou seulement de temps en temps, de ce côté seulement de temps en temps, que je me repaisse de toi. Mais tu ne peux pas, je sais. Je sais. Enfin, plus pour longtemps, Winnie. Ça va sonner. Le crâne chauve de Willy, partie postérieure, apparaît au-dessus de la pente du mamelon. Solennellement garanti. Comment c'était encore ? J'hérite. Table pure, solennellement garantie. La main de Willy réapparaît, tenant le canotier. Il l'ajuste sur le crâne, coquettement de biais. Ah ! Soie de porc ! Qu'est-ce que c'est un porc, au juste ? Qu'est-ce que c'est, au juste, un porc, Willy ? Willy, je t'en supplie, qu'est-ce que c'est qu'un porc ? Cochon mal châtré, élevé aux fins d'abattage. Willy ouvre son journal. Oh, le beau jour encore que ça aura été. Encore un. Malgré tout. Jusqu'ici. Prime rendement. Winnie enlève sa toque, se tourne pour la rentrer dans le sac. Non. Non, non. Elle remet sa toque. Et maintenant. Chante. Chante ta chanson, Winnie. Non ? Alors prie. Prie ta prière, Winnie. Avantages sociaux. Prie ta vieille prière.